Bonjour à tous, vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM ou le www.radiopanique.org. L'émission s'appelle Jardin public, c'est un jardin public un petit peu spécial puisqu'il est dédié au projet artistique Terrace Opening. Terrace Opening est donc un projet artistique mais pas que, puisqu'il vise à la contribution des habitants d'un quartier bruxellois, ici Schumann en Biorix. C'est un projet qui a été mené par Eleonora Sovrani et supporté par le laboratoire artistique bruxellois Bain Connective. Le projet a donc donné lieu à un concert de Cédric Castus, ce guitariste aux multiples projets issu du label Matamor. Donc ce concert a eu lieu sur une terrasse dans le quartier Schumann en Biorix, visible par tous les voisins qui étaient invités à ouvrir leurs fenêtres à 18h tapante le dimanche 30 septembre. Cédric Castus a plusieurs dates à venir en Belgique, dont le 8 octobre à Bruxelles au Schaff, place du jeu de balle, où il nous a confié qu'il jouerait accompagné de deux compères, un à la basse et un à la batterie. Je vous souhaite un bon concert. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet Terrace Opening, Terrace terraceopening.wordpress.com. Et pour plus d'informations sur Cédric Castus, le MySpace de Cédric Castus, et oui, ça existe encore. Un grand merci à Eleonora et au guitariste Cédric Castus. Je vous souhaite un bon concert. Enjoy. Ciao. garage. Du lundi au vendredi, l'Odyssée vous donne la parole. Eh bien, je vous jure, vous me croyez Benjamin ou vous ne me croyez pas, jamais nous sommes montés ensemble pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe, pour le sexe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.